Épilogue. Et voilà. Nos vacances sont finies, chers amis. Le moment est venu de vous dire au revoir. Nous sommes désolés de vous quitter. Nous espérons que vous ne vous êtes pas ennuyés en notre compagnie. Nous espérons aussi que vous avez fait des progrès en français et que vous continuerez à travailler notre langue. Venez donc faire un petit séjour en France, même à Paris. La vie n'y est pas si désagréable que ça.